L'administrateur général adjoint de l'Institut international d'esthétique judiciaire, Harishi Gupta, a adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU. Il a écrit notamment « Les professeurs, docteurs, scientifiques, juristes et militants des droits de l'homme qui ont participé comme délégués des 14 pays au séminaire international tenu à Pyongyang le 8 courant sous les auspices de l'Institut international d'esthétique judiciaire ont demandé à l'unisson de retirer immédiatement les sanctions économiques onusiennes contre la Corée. Les participants au séminaire ont vu la réalité coréenne et ils sont persuadés qu'elle mensongère la propagande des États-Unis et des autorités sud-coréennes selon laquelle le renforcement de la capacité militaire de la République populaire démocratique de Corée détruit la paix internationale et le désarmement. Le renforcement de la capacité militaire coréenne est destiné à faire échouer les menées d'agression des forces hostiles et à sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Les sanctions de l'ONU exercent une influence négative à la vie des Coréens, ce qui contrevient totalement au droit international. Il faut examiner du point de vue humanitaire l'attitude du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'interrompt pas les sanctions économiques contre la Corée à l'heure actuelle où l'on doit assister la Corée, dont les régions septentrionales ont subi des dégâts matériels et humains. Via l'ONU, j'appelle la conscience de tous les peuples du monde à ne pas prêter l'oreille à la propagande démagogique des États-Unis et de leurs alliés contre la République populaire démocratique de Corée.